بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة المنطقة أبو تيمية خليل المحتنيكي حفظه الله تعالى. دوزيام لوسون. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، Hier, on avait cité le ta'alif du fiqh, fil istilah, sans vraiment l'expliquer. On avait dit wa ma'rifat al-ahkam al-shal'iyya al-amaliyya bi adillatiha al-tafsiliyya, qui est le fait de connaître les règles légiférées des actes avec leurs preuves détaillées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu apprends dans le fiqh comment agir et en quelle situation. Par exemple, tu apprends Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabihi wa aqimus salah. Et wa aqimus salah, c'est-à-dire accomplissez la salat. Ça, c'est un ordre, il est général. Ça rentre plus dans ce qui est usul fiqh. Tu as un ordre. On avait pris ça, une adilal ijmaliya. C'est-à-dire là, usul fiqh, ça te servait à savoir quand une chose elle est obligatoire, quand elle n'est pas obligatoire, ce genre de choses, quand est-ce qu'elle peut être accomplie, quand est-ce qu'elle ne l'est pas, quand est-ce qu'elle est acceptée ou pas. Mais la chose en elle-même, comment elle est accomplie, ça, ça touche au fiqh. Allah subhanahu wa ta'ala qu'allait wa aqimus salat. Accomplissez la salat. Taïb. Maintenant, la salat, tu sais comment on l'accomplit? Avec le tafsil, tu ne sais pas. Ça, ça rentre dans le fiqh. Les adillets qui viennent pour te montrer comment faire la salat. Et le usul fiqh, ça te permet de dire si ta salat, le jugement sur la salat. Donc là, par exemple, tu apprends les shurut de salat, arkan salat, wajibat salat, tout ça par le fiqh avec les adillah. Ah ben. On avait dit que c'est touché au rite, aux œuvres. Elle dans le style des fuqaha. Bien que le fiqh, aoussa min dhalika wa yashmal al-aqida. Qui est plus large et qui englobe également l'aqida. Donc là, on va prendre des kawa'id fiqhiyya mu'tamada pour nous permettre de pouvoir mieux acheminer dans le livre, mieux comprendre par la suite. Donc parmi ces règles, la première c'est al-umur bil maqasidiha wa la amal illa bin niyya. Que les œuvres sont basées sur leur intention. Un acte ne peut être valable qu'avec une intention. C'est-à-dire que toute parole du mukallaf ou ses actes diverge ou diffère en fonction de son intention. Avec une simple intention, ton acte peut être accepté ou être rejeté. Bien que même s'il est en apparence, il est bien accompli. Et min adillat hadil qa'ida, al hadith al ma'ruf. Omar al-Khattab, innama al-a'malu bin-niyyat. Que les actes ne valent que par les intentions. Et l'autre adil, là on cite Rabab al-Ihtisar. Deuxième, la darar wa la dirar. Deuxième règle, pas de nuisance à soi-même ni aux autres. C'est-à-dire que la législation interdit tout acte, toute parole qui aimerait nuire à autrui. Bien sûr, dans des limites, bien entendu. Il y a des cas où, par exemple, dans les sentences, ce genre de choses, ça c'est autre chose. Là, on parle de la base. La base, tu ne nuis pas autrui. Même le kafir, tu ne nuis pas. Après, lorsqu'on rentre dans d'autres abwab, c'est autre chose. Là, on parle de la base. Non. La troisième, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. C'est-à-dire que la difficulté appel à la facilité. C'est-à-dire toute action qui amènerait à une grosse difficulté sur le mukallaf dans sa personne ou ses biens, alors la législation amènera un tarfif, à minimiser sa charge sur lui. C'est-à-dire tout ce qu'il ne peut pas faire, la religion viendra à un niveau où il puisse le faire. Hein? Ouais, la preuve de ce qaïda, c'est la parole de la Sfantala où il dit Yuridullahu bikumul yus, wala yuridu bikumul al-us. Que Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Wa qala ta'ala, wa ma ja'ala 'alaykum fi d-dini min haraj. Que Allah n'a pas mis sur vous de gêne en religion. Donc la religion, elle est facile. Inna dina yusrun, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention, cette règle à la comprendre selon ses normes légiférées. C'est par exemple, à titre d'exemple, demain tu vas faire la salat. Par exemple, tu vas faire la salat. Et tu es malade. Tu ne tiens pas debout. Comment tu fais salat? Assis. Ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle. C'est pas comme des gens ils imaginent, dès que t'as un obstacle devant toi, tu fais un haram. Non. Tu prends la facilité que la législation t'a accordée. Qui n'est même pas une transgression. Parce que cette règle-là, elle a mal été comprise par des gens. Tu vois, t'en as, ils vont dire, la religion, c'est facilité. Et ils vont faire tout ce qu'ils veulent après. Le moindre preuve devant eux, ils pensent que ça leur permet de pouvoir transgresser. On leur dit non. Il y a des cas de daroura, mais ce n'est pas comme les gens le comprennent aujourd'hui. Également, parmi les choses qui sont facilitées, le voyage, tu raccourcis la salat. La salade. Le malade, par exemple, il peut ne pas jeûner. Le voyageur peut ne pas jeûner. Il y a une machaka là-dedans, une difficulté. C'est ça qu'il faut comprendre. Non. Rabia, la quatrième, El yaqinu la tazulu bishakki. Que la certitude ne s'annule pas par le doute. On dira comme ça. Ou le ma'ana, le sens, c'est une chose dont tu es certain, dont tu es sûr, elle ne peut s'annuler que par une chose, ne peut s'annuler que par une chose certaine également, pas par un doute, pas par une suspicion. Comme ça veut dire par la preuve, c'est quoi le dalil de la qaïda? C'est le hadith de Abdullah ibn Zayd, muttafaqun alayhi. قال إنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوته أو يجد ريحه. Et le hadith également dans une version similaire par Abu Huraira. C'est quoi? Qu'un homme se plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'imagine qu'il trouve des choses dans sa salade, c'est-à-dire dans son ventre, d'accord, qu'il a des gaz. C'est une impression qu'il a en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, il ne sort pas, c'est-à-dire de la salade, toi qui n'entends pas un bruit, qui sent une odeur. C'est-à-dire le fait que tu penses ou que tu imagines, toi si tu es sûr que tu as fait l'odo, un tala tahara, cette odo-là, l'odo ne peut être annulé que par une chose dont tu es sûr qu'elle est annulée. Pas par un doute. C'est la porte au wasawis. Donc demain, le fait que tu dises, est-ce que j'ai eu un gaz ou pas, tu réfléchis. Tu commences à douter, on te dit, est-ce que tu as fait l'odo? T'en es sûr? Oui, je me rappelle très bien. Donc maintenant, est-ce que tu doutes si tu as perdu l'odo ou pas? Tu te rappelles pas, khalas, tu vois, sur le fait que tu l'as eu. L'odo. C'est parce que tu as une preuve certaine que tu as perdu l'odo. Et lui, il a dit ça. Par exemple, le fait d'avoir un gaz, ça se sait souvent comment? Par le bruit ou par l'odeur? Par le bruit ou par l'odeur? Là, t'en es sûr. Même des fois, même sans goût d'odeur, tu peux être sûr que tu as eu un gaz. Mais des fois, tu doutes. Donc ça, ce sont deux indices qui t'indiquent que la chose est vraiment s'est produite. Le cinquième, Al-Ada Muhakkama. Que les coutumes font office de jugement. Il y a ni que les coutumes sont à prendre en considération. C'est-à-dire les choses sur lesquelles les gens sont habitués, les normes que les gens se sont données, lorsqu'il n'y a pas de preuve, par exemple dans une règle, dans un acte, alors tu juges en fonction de ses coutumes. Amen. Bien sûr, tant que ces coutumes-là n'appellent pas une transgression, bien entendu. Tant qu'il n'y a pas un haram dans la coutume. C'est une chose qui est permise en religion. Et que tu as un sujet sur lequel tu n'as pas une preuve claire, alors c'est la coutume, c'est ce sur quoi les gens se basent, sur lequel on va émettre un jugement. La preuve de cela, qu'Allah Ta'ala, وعاشروهن بالمعروف. C'est-à-dire que les femmes vivent avec elles dans le convenable, dans ce qui est connu. وَلَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْلُوفِ. Et qu'elles ont droit ce qu'elles avaient comme chose convenable, les femmes. وَلَا مُولِدِي لَهُ رِزْكُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْلُوفِ. Et que le père doit donner la subsistance et l'habillement, c'est-à-dire à la mère qui porte son enfant. Est-ce qu'on a... On va aller comme ça. Est-ce qu'on a un texte qui stipule combien il doit donner? Combien il doit investir chaque mois, dépenser? Il n'y a pas de texte, temps par temps. Ça, c'est basé sur quoi? Le mode de vie des gens. Ça diffère des gens, ça diffère des pays, ça dépend du niveau de vie de la personne. C'est la pension que tu parles. Par exemple, la pension alimentaire. Ou même le premier verset, c'est avec ta femme. Tu dépenses pour elle, bil ma'rouf. Par exemple, il n'y a pas un hadith qui te dit, par exemple, tu dépenses tant et tant par mois pour ta femme pour que lui rendisse son droit. Comme le Ta'ala, la yukalifullahu nafsan il est wasaha. Ou la yukalifullahu nafsan il est ma'ataha. Que Allah ne t'impose qu'une chose qui t'a apporté. C'est-à-dire, demain, une personne qui n'a pas les moyens ne peut s'imposer ce qu'il peut s'y porter. Il donne comme il peut. Bil ma'rouf. Et quand il peut, il donne en fonction du mode de vie des gens. S'il est riche, comme les riches ils donnent. S'il est modeste, comme les modestes ils donnent. Et s'il est pauvre, comme les pauvres ils donnent. C'est pas il est riche, il donne comme un pauvre. Non. Ah, c'est mariage aussi. Il a plus, il donne plus. Tant que cela également ne le met pas lui dans la gêne. Faut pas que ça le mette dans la gêne non plus. Il y a le hadith de Hind, lorsqu'elle s'est plaint, pour dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Abu Sufyan, c'est un homme avare. Il ne lui donnait pas ce qui lui suffisait pour aider son fils. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit Khouzi min malihi bil ma'louf ma yakfiki wa yakfi binak. Prends de son argent ce qui te suffit, dis qu'à ton fils. Ce qui te suffit, c'est-à-dire prends pas non plus, n'exagère pas. Prends ce qui est suffisant, dans les limites du convenable. Ce qui est connu, la chose que tu sais dont tu as besoin. Un autre exemple, que souvent sur lequel les gens se questionnent, safar, le voyage. Quand est-ce qu'une personne est considérée comme étant musafira, voyageuse ou pas? Ça, les ulama, ils ont bien dit qu'il y a un grand khilaf sur la question. Et en réalité, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de hadith ou de verset ou de chose qui te dit que telle distance équivaut à un voyage. Donc là, la meilleure des paroles qui a été donnée, le Cheikh Al-Islam Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit que c'est en fonction des coutumes. Les gens savent quand est-ce qu'ils sont en voyage, d'eux-mêmes. C'est une chose qui est connue quand tu es en voyage. C'est-à-dire, l'ulama a dit que ça dépend de la distance que tu as parcourue, même si dans la même ville, tu as fait une distance, tu es en voyage. On a dit non, il faut que tu sortes de la ville. Ils disent, il faut se faire ça, ça, ça. Il n'y a pas de dalil sur tout ça. Il n'y a aucune preuve. Donc la parole la plus simple, la plus claire pour tout le monde, c'est cet avis-là, qui dit que tu es voyageur. Chaque personne sait quand il voyage. Il se prépare dans quel état il est. Il sait qu'il est voyageur. Par exemple, demain, tu habites dans un quartier à Paris. Tu vas à l'autre bout de Paris. Tu vas prendre les transports. Ou tu es en voiture. Est-ce que tu prépares comme pour un voyage pour faire cela? Non, tu sais que c'est juste un déplacement. D'un quartier à un autre. Même tu vas dans une ville, une banlieue, un peu éloignée. Est-ce que tu te sens comme voyageur, en voyage? Personne va te dire non, je me sens juste, je suis parti là-bas, à telle ville, j'en ai pris une heure de voiture, je ne me vois pas voyageur. Je vais revenir ce soir, par exemple, Inch'Allah. Il n'a pas pris des préparatifs, il n'a pas pris du ravitaillement, il n'a pas pris des vêtements, il n'a pas pris un sac, il n'y a rien. À part s'il compte rester là-bas, genre il va rester quelques temps, il prend des affaires. Mais ça, c'est pas lié à la distance. C'est lié, par exemple, qui va se poser dans un lieu, il va pas revenir chez lui avant un moment. Ça veut pas dire qu'il est voyageur. Donc cette règle-là, elle s'applique à ce moment-là. Le voyage, la meilleure façon d'estimer un voyageur, c'est tout simplement par rapport aux coutumes, au mode de vie des gens. Les gens savent quand ils sont voyageurs eux-mêmes. Chama Obilo, c'est son avis, Chaya Yahya aussi, Kazalik. Quand tu es voyageur, tu le sais. Car il n'y a pas de preuve claire sur le sujet. Donc dans ces moments-là, Al-Ada Muhakkama. Al-Adatu Muhakkama. Donc là, c'est cinq règles qu'on vient de citer, qui sont l'intention, pas de nuisance, que la difficulté amène à la facilité, qui sont que la certitude ne peut disparaître par le doute, et qui sont que les coutumes sont à prendre en considération. C'est qawaid al-khams yutlaq 'alayha yutlaq 'alayha ba'd al-fuqaha qawaid kubra kulliya. C'est-à-dire les règles majeures d'ensemble. Ce sont des règles majeures d'ensemble qui regroupent tout ce qui est partiel. Al-juz'iyat. Comme a dit لأنه يندرج تحتها قواعد فقهية كثيرة مما يذكرها الفقهاء ولأنه يندرج تحتها فروع كثيرة من أحكام الشرعية من الأحكام الشرعية car ces règles là elles renferment d'autres règles partielles plus petites toutes alors bien c'est ces règles là c'est un exemple que je vais te donner par exemple imaginez quelqu'un tu cherches la maison d'un frère l'appartement d'un frère. On va même dire la chambre d'un frère. Avant que tu arrives à cette chambre-là, dans un lieu que tu ne connais pas, tu cherches l'immeuble. C'est le quartier. L'immeuble. Après, il faut que tu connaisses l'étage. Après, tu connais la porte. Après, tu connais sa chambre. Donc, on va dire ces règles-là sont comme cet immeuble. Elles sont comme tout le reste. Tout ce que tu cherches est dans l'immeuble. Cet immeuble en lui-même, c'est une chose majeure d'ensemble qui regroupe toutes les autres maisons et les chambres et toutes les pièces de la maison. Vous m'entendez ? Comme un arbre, par exemple, un tronc avec des branches. Tu vois le tronc comment il est ? Sur lequel se passent des branches et les branches se divisent elles-mêmes en autres branches par la suite. La base, c'est quoi ? C'est le tronc. Ces branches-là, ce tronc-là, elles n'existent pas. Donc, ces règles-là, toutes sont des règles majeures qui englobent, qui renferment d'autres règles partielles en dessous. Et reviennent à ces règles-là majeures. Et reviennent à ces règles majeures. Fahimtani, hadha wal qasd. Donc, ces cinq-là sont les plus importantes. Ensuite, il dit, la sixième. An-nassu yu'khadh bi'umumihi wa itlaqihi hatta yakum dalil al-takhsis. Ou le taqyid nassan ou dalala que un texte à la base on le prend dans sa généralité tant qu'on ne trouve pas une preuve qui le rend spécifique ou qui le conditionne qui met des conditions d'accord à la base un texte tu juges son apparence générale jusqu'à ce que tu aies une chose qui le spécifie la qaïda في الحديث ده البراء بن عازب لما نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها فجاء مكتوم فشكى ضررته فانزل الله غير أولي الضرر c'est-à-dire lorsque le verset de Allah est descendu ou dans le sens où il dit ne sont pas égaux ceux qui sont assis parmi les croyants avec ceux qui partent combattre. Donc après, il a appelé Zayd pour qu'il écrive le verset. Ensuite, Oum Mektoum, qui était aveugle, il est venu se plaindre, il dit, car il ne voyait, il ne comprenait pas, par exemple lui, comment ça, il n'est pas égaux par rapport aux autres. Et ensuite, le verset, la suite du verset est venue, Reil Ouli Darar, à part ceux qui ont une excuse, ceux qui ne sont pas capables. Ceux qui ne sont pas capables. Mais à la base, le verset est venu de façon générale. Il y a également le hadith de Ammar ibn Yasir du Tayammum. Il y a d'autres adillah. La base dans un texte, tu prends son apparence tant que tu n'as pas une chose qui le spécifie. D'accord ? Tant que tu n'as pas une chose qui le spécifie. Sabi'a. Septièmement. Ma nuhya anhu li dhatihi min ibadat fa muqtadaha fasad al-ibadah. C'est-à-dire, ce qui est interdit en soi comme les adorations, cela implique qu'elle sera invalide. L'adoration en soi sera invalide. L'exemple de cela, l'interdiction de jeûner le jour du Eid, ou de faire la salat dans les heures d'interdiction. Ou également la femme qui jeûne sans la permission de son mari. la femme qui jeûne en étant de menstrue. Ce genre de choses. والدليل قاعدة حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل النساء لأمرنا فهو رد. Que la règle, la, c'est quoi la preuve? Celui qui œuvre d'une chose qui ne fait pas partie de notre affaire, c'est notre religion, cela est rejeté. Donc quand tu fais une adoration sur une chose qui t'est interdite par rapport à l'adoration en elle-même, enfin, cette adoration se voit invalide. Demain tu jeûnes, le jour du Eid, ce psaume, il est baraté. Naam. Hatta, il dit l'ibada bidatiha, hatta fi shartiha kazalik. L'adoration en elle-même est également dans ses conditions. Par exemple, condition de la salat. Tu ne pries pas, par exemple, nu, avec la urwa makshufa. Mathalan. Si jamais tu fais ça, ta salat va être annulée. Tu ne pries pas avant l'heure. Tu ne fais pas salat avant l'heure. Je prends des salats maktouba, khamsa. Sinon, la salat se verra invalide. Tu ne fais pas la salat sans l'eau d'eau. Hein? L'agbel Allah ou salat ahadikum zé ahdasa hata yatawadda. Que Allah n'accepte la salat d'aucun d'entre vous, si jamais il est en état d'impureté, jusqu'à ce qu'il fasse l'eau d'eau. Donc tout ça, ça amène à ce que tu agis sur l'interdiction ou l'adoration en elle-même, dans ces conditions, l'adoration sera invalide. L'adoration sera invalide. Afamina. Elle osmu fil ibadat el hadar. Fala yushra minaha illa ma shara'u Allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Que la base dans les adorations, c'est la prohibition. La base dans les actes d'adoration, c'est la prohibition, l'interdiction. Qui n'est légiféré que ce que Allah et son messager ont légiféré. C'est-à-dire que les ibadah sont basés sur un décret divin. Tawqifiyya. Ce n'est pas de ta tête. Qu'on ne peut adorer Allah que ce qu'il a avec qu'il a légiféré. D'accord ? Qu'on ne peut adorer Allah que ce qu'il a légiféré. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Hein ? Interdiction. Ouais, prohibition, interdiction. Et le dalil, c'est le même dalil précédent. Elle dit Aïcha. Man ardafa fi amrina hadha malisa minu fa warad. Notre version. Celui qui innove dans notre affaire ceux qui n'en font pas partie, alors cela est rejeté. Et on parle de l'adoration. Ta'asi'a. El aslu fil ashiai el ibahatu. Fala yahrum minha illa ma haramahu Allahu wa rasuluhu. Sallallahu alayhi wa sallam. Que la base dans les choses, c'est-à-dire de la dunya, autre que les adorations, c'est quoi la base? C'est qu'elles sont permises. Donc on ne peut rendre une chose interdite que ce que Allah et son messager ont rendu interdit, illicite. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Il est celui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. وَقَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. Il dit qui donc a rendu interdit les bonnes choses, les choses que Allah a sorties pour ses serviteurs, et les bonnes choses parmi les substances. Donc là-bas, c'est que les choses, elles sont permises tant qu'on n'a pas une preuve qu'il interdit. Nourriture, habitation, vêtements, ce genre de choses. Et ça rejoint un peu la règle précédente. Qu'on prend les textes de façon générale, tant qu'on n'a pas une chose qui spécifie. Par exemple, une chouboîte que des gens ont, le vêtement. Comment s'habiller? Les gens disent, on n'a pas de dalil qui dit qu'il faut que je m'habille comme ça et comme ça et comme ça. Par exemple. Donc je peux mettre, la base dans les choses, c'est la permission. Donc je peux mettre tel et tel vêtement. On dit, na'am. Mais le Nabi sallam qu'allait, man tashabbaha bikoumin fawa minhum. Donc il t'a dit qu'il ne faut pas ressembler à un peuple. Donc tu n'es peut-être pas obligé de mettre ta kamis. Le kamis en soi n'est pas obligatoire, mais mettre un vêtement propre au koufar, cela est interdit. Donc tu peux mettre ce que tu veux. Tout ce qui est propre au koufar, spécifique à eux, parce que tu as des vêtements spécifiques et des vêtements généraux que tout le monde met. Comme par exemple les chaussettes ou un certain genre de mettre des manteaux, pas n'importe quel manteau, mais des vestes. Demain tu peux mettre un bonnet par exemple. Ce genre de choses, tu peux mettre des sous-vêtements. c'est une chose générale. Maintenant, demain, tu peux mettre un vêtement qui est spécifique au koufar, connu chez eux, de leur coutume à eux, là, c'est autre chose. Par exemple, costard-cravate. C'est un truc qui est connu de eux. Dans un monde spécifique. Tu vois, le musulman ne porte pas ça. C'est pas permis. Le pantalon, à la col sahih. Nous, on a le sarawil. Quand même, on a le kamis. Le pantalon, on n'en a pas besoin. En plus, c'est un truc qui est un vêtement qui n'est pas pudique. Qu'à la base, le musulman porte des vêtements amples, larges. Et toutes ces choses-là. Non. Et la dernière, al-ashira, al-jawaz al-shari'i, yunafi al-daman. C'est-à-dire que ce que la législation rend permis, cela n'oblige aucun dédommagement. Cela n'oblige aucun dédommagement. Comme par exemple, le fait, un exemple, de couper la main au voleur. Demain, dans un pays où il y a Sharia, un voleur qui coupe un objet dépassant la valeur de l'obdinar, je crois que c'est, dans son lieu d'exposition. Toutes les conditions sont là pour dire qu'il a volé la chose et que celui s'applique la sentence. On lui coupe sa main. Ensuite, il en de cette amputation, il en vient une infection. Il en tombe malade. Une infection. Et ensuite, il en est malade. Alors même, il faut couper plus haut, par exemple. Ou il y a des complications par la suite. Et bien, ces complications-là qui viennent, tu n'as pas à les dédommager. Celui qui a commis la sentence sur lui n'a pas à les dédommager. Parmi les preuves de cela, dans un risque dans Muslim, deux sahabas avaient eu un conflit. Et il y en a un qui en a mordu un. Qui a mordu l'un des sahabas. Il a mordu fort. L'autre, en tirant sa main, pour se dégager, ça fait que l'autre, il a mordu tellement fort, j'ai plus le hadith en tête, il lui a cassé les dents de devant. Les dents de devant sont parties avec la main. Donc ça l'a abîmé. Il est parti se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui dire, il m'a cassé mes dents. Donc je veux qu'il me rende. Il n'y a rien à faire, il s'est défendu lui. Tu l'as mordu, il s'est défendu. Donc il n'a rien à rembourser. Pas de dédommagement. En religion, il a besoin de se défendre dans cette situation. Maintenant, toi tu l'as mordu, il s'est défendu, tes dents ont été cassées, il n'y a pas de dédommagement. Même pas de dédommagement. Il était dans son haq. La législation lui a permis de se défendre à ce moment-là. Ou tout comme demain, tu appliques une sentence sur quelqu'un, pareil, il a subi des complications, tu n'as pas à dédommager. Là-bas, c'est lui le fautif. Il a volé, il ne devait pas voler. Après, quand de la marche à Faël, sa main a été coupée selon les règles, les complications, ça ne revient pas à l'état de le dédommager des soins médicaux, par exemple, qui viendraient par la suite. Maintenant, s'ils le font, c'est Bebel Yassan. Mais Shalan ne peut rien réclamer. Il ne peut pas réclamer de dédommagement, lui. Maintenant, si le gouvernement veut le faire, exemple, Ali Arnaud, il le faisait pour celui qui frappait pour boire de l'alcool. Il disait, si jamais il arrivait à ce que il avait des mauvaises conséquences, je paye le prix du sang pour ça. Mais ça, c'est lui-même. Mais là-bas, tu n'as pas dédommagé. Quand même. Donc ça, c'était les règles, 10 règles, qui aident à comprendre beaucoup de choses dans les babs du fiqh, surtout les 5 premières. Et ce sont les 5 premières les plus importantes. La qawaid, elle est kubra, elle est kulliya. C'est dur de traduire les termes comme ça, les termes techniques comme ça, les terminologies. En vrai, il faut les expliquer. La traduction peut être bancale, peut être, tu vois. Le plus important, c'est de la comprendre. Pas de pouvoir la traduire. Même si tu as dit qu'en arabe, tu l'expliques, tu as eu le maqsoud, il a été fait. L'objectif a été atteint. C'est le plus important. L'important, c'est pas de traduire, c'est de faire comprendre le sens. Ma'foum hada. Tamam, fa'ilahuna, walhamdulillah, rabbil alamin.